Simone, c'est moi. Pour mes parents, mes sœurs et mes amis, je vais à Versailles, à Versailles. Simone, Simone, c'est moi. Pour le bonheur, l'espoir et l'amour, je vais à Versailles, à Versailles. Simone.